à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur l'émission Il y a des choses à se dire, animée par Papy José. Bien, il s'agit d'une première émission, donc je vais me présenter un tout petit peu. Je suis Papy José, je suis non-voyant depuis à peu près une dizaine d'années et j'ai eu l'idée de faire une émission radio consacrée à l'handicap visuel. Mon objectif, c'est pas, comme dans beaucoup d'émissions qui parlent d'handicap, de se plaindre ou de parler longuement de cet handicap. Non, j'ai envie d'en parler un peu différemment et surtout de manière très positive. Aujourd'hui, je souhaite qu'on aborde le sujet de l'accessibilité, la locomotion et en particulier les déplacements, déplacements dans la ville d'un non-voyant. C'est pas simple. Vous allez vite comprendre, vous qui voyez, chers auditeurs, il vous suffit de mettre les mains sur les yeux. Et puis, dans votre environnement normal, déplacez-vous. Vous allez vite vous cogner un peu partout. Imaginez que ça, nous, on le vit 7 jours sur 7. Je ne dis pas 24-24 parce qu'on dort un peu, mais en tout cas, c'est tout le temps. Et bien évidemment, on arrive à se déplacer, je ne dis pas normalement, mais en tout cas presque. Et avec deux invités qui sont venus, qui m'ont rejoint, on va vous expliquer comment on fait. On verra en deuxième partie de cette émission en quoi la technologie et l'intelligence artificielle peuvent nous aider dans notre quotidien. Donc j'ai deux invités, Christine et Laurent. Bonjour Christine, bonjour Laurent. Bonjour. Ils sont comme moi non-voyants, et ils sont comme moi non-voyants, non pas de naissance, mais c'est arrivé au cours de la vie. Christine, bonjour. Je voudrais savoir à quel moment vous avez perdu la vue et qu'est-ce que ça a occasionné pour vous en termes de comportement dans votre métier. Est-ce que c'est accepté par votre employeur et qu'est-ce qui s'est passé durant toutes les années où vous travaillez dans l'administration ? Alors moi, je suis atteinte d'une rétinite pigmentaire qui a été décelée à l'âge de 35 ans. Aujourd'hui, j'en ai 65. Ça a été un soulagement pour moi de savoir que j'avais ce problème parce que je me posais vraiment de questions par rapport... on n'arrivait pas à comprendre pourquoi je tombais, pourquoi je cassais des choses. Et ça m'a soulagée. Ça, c'était de savoir... avant de connaître la rétine pigmentaire, tu savais déjà que tu avais des problèmes ? Ça s'est déclaré à 35 ans ? Ou tu l'as su à 35 ans ? Je l'ai su à 35 ans. Alors, en recherchant, j'ai des symptômes, effectivement, depuis l'âge peut-être de 12-13 ans, mais bon, qui ne se repéraient pas, parce qu'en fait, je pense que je m'adaptais. Voilà. Et progressivement, j'ai le champ visuel s'est rétréci, donc là, je n'ai plus du tout de champ visuel. J'ai encore un petit résidu de vision centrale, qui est très altéré en fonction de la lumière, en fonction de ma fatigue, en fonction de beaucoup de choses. Bon, je ne vois plus de couleurs, je vois troubles, je vois... Voilà, c'est compliqué, c'est sûr. Alors juste pour expliquer, j'ai quand même encore quelques petites... Juste pour expliquer à nos auditeurs, la rétine pigmentaire, c'est ce que j'ai eu aussi. Il y a plein de sortes de rétine pigmentaire. Hein. C'est une maladie, c'est le nom générique. En fait, la mienne s'est déclarée à ma naissance. Bon, Christine, ça s'est déclaré un peu plus tard. C'est une maladie qui occulte une partie du champ visuel. Et ceux qui sont atteints de cette maladie ont juste le champ visuel central. C'est une maladie qui peut se déclarer à tout âge, qui peut évoluer très très vite ou qui peut évoluer très lentement, comme moi, ça a duré 55 ans. Christine, continue. Donc, tu travaillais quand c'est arrivé ? Quand ça a été diagnostiqué, oui, je travaillais. Donc j'étais à ce moment-là, j'étais donc enseignante dans le primaire. Et alors c'est vrai que j'ai continué à travailler quand même un certain temps en classe. Puis bon, bah, évidemment, au bout d'un moment, c'est quand même compliqué. Alors la difficulté pour moi, ça a été de faire comprendre qu'effectivement, je n'avais plus de champ visuel, que c'était compliqué. Mais en même temps, j'avais quand même à l'époque 10-10 d'acuité visuelle. Donc c'était très compliqué pour l'entourage de comprendre. C'est pas évident. Notamment pour l'administration. C'est pas évident parce que quand on a cette maladie, on peut buter dans une chaise. Et j'avais l'habitude de dire que je pouvais voir une fourmi dans un couloir et buter dans un éléphant dans un couloir. Parce que justement, si on ne le regarde pas, eh ben c'est un obstacle qu'on ne loupera pas par contre. Laurent, toi, tu es également retraité. Oui, bonjour. Tu es malvoyant, je crois, depuis tout jeune. Oui, voilà. Et tu as perdu la vue, un peu comme moi, la cinquantaine. Voilà, mais ça ne m'a pas empêché d'avoir une vie scolaire et professionnelle tout à fait normale, avec des adaptations, bien sûr. Donc moi, mon maladie, c'est un glaucome. Glaucome, c'est la surtension dans l'œil qui détériore le nerf optique petit à petit. Donc à un moment donné, on peut le soigner, mais après, ça se dégrade tellement que le nerf optique est tellement abîmé que la vision disparaît. Voilà. Et ça, j'ai perdu la vision il y a une quinzaine d'années. Donc si je comprends bien, ton employeur, qui savait que tu avais des problèmes de vision, a adapté ton poste. Sur la fin, oui. Mais au début, j'essayais, comme beaucoup de personnes handicapées, de passer inaperçu. Et voilà. Tu étais embauché dans le cadre de l'handicap, t'étais non, pas du tout, non. Comme moi, j'ai pas été du tout embauché comme handicapé. Donc je travaillais pour une manufacture de pneumatiques et comme je dis toujours, j'ai perdu la vue le mois où la boîte fermait. Donc pour moi, je partais la tête haute avec les collègues et pas pour une inaptitude. Ouais. Voilà. Et toi, Christine, ton employeur, il réagissait comment par rapport à cet handicap? Au départ, on ne me croyait pas. Heureusement que j'avais beaucoup de médecins derrière moi et qui m'ont beaucoup soutenue. Parce que c'est vrai que tout se passait très bien en classe, mais pour moi, c'était très, très compliqué. Hein. Et puis, la gestion des élèves, j'ai travaillé beaucoup en maternelle. Donc, la gestion des petits de 2 ans, par exemple, je me suis retrouvée une année avec 32 élèves de 2 ans, entre 2 et 3 ans. Donc, c'était quand même sans ASEM à temps plein. Donc, c'était quand même très compliqué. Et bon, progressivement, l'administration... J'ai eu des inspecteurs qui ont compris vraiment réellement le problème, aidés par les médecins, et qui j'ai eu un poste après adapté. Et puis j'ai terminé ma carrière en travaillant pour le CNED, qui dépend également. Tu as fait toute ta carrière, tu n'es pas parti en retraite pour l'handicap. Non, j'ai fait toute ma carrière, j'avais des enfants donc qui faisaient des études, donc je voulais leur permettre de faire. En vous deux, l'handicap ne vous a pas empêché de travailler? Parce vous n'avez pas été mis, entre guillemets, sur la touche parce que vous perdiez. On a fait en sorte que. Hein, oui, voilà. Bien sûr. Moi, je travaille surtout sur écran, informaticien et contrôleur de gestion. Donc, j'avais le nez collé à l'écran, surtout vers la fin, quoi. Moi, j'ai poussé quand même pour travailler au maximum, mais bon, on poussait quand même un petit peu vers la sortie. Et voilà, j'avais besoin de travailler, c'était important pour moi. Mais à la fin, je faisais des 65 heures par semaine, tellement j'avais une charge de travail qui ne correspondait pas du tout à mes possibilités. Hein. Mais j'ai lutté jusqu'au bout, jusqu'à temps que je dise « stop, là, cette fois, j'arrête ». Alors, ce qui est assez remarquable, c'est que l'un et l'autre, remarquable, parce que, pas pour moi, parce que, évidemment, je vous connais et je sais comment ça se passe, mais pour les gens qui ne voient pas, si je puis me permettre de parler ainsi, qui ne voient pas l'handicap, qui ne connaissent pas l'handicap, vous vivez seul. Oui. Et vous avez un appartement chacun, vous faites vos courses, vous vous déplacez, comment ça se passe? Moi, comme d'habitude, on s'adapte. Par exemple, pour les courses, il y a une petite supérette à côté de chez moi. La première fois, j'y étais. J'ai demandé s'ils pouvaient éventuellement me donner un coup de main. Bon, un peu de réticence, mais ça s'est fait. Puis maintenant, ça y est, dès que j'arrive, j'ai ma liste de courses bien en tête. Ça prend 10 minutes pour remplir mon sac à dos. Et puis voilà, c'est... Vous n'utilisez pas le drive? Non, parce que... Le drive livre à domicile? Pas forcément accessible, pas forcément là quand il faut livrer, parce que... Moins de souplesse, non pas... Quand tu dis pas accessible, c'est pas accessible parce que tu n'arrives pas à les joindre ou c'est pas accessible sur l'application informatique? L'application informatique, ouais. D'accord. Mais non, ça, c'est très bien d'aller faire ses courses tout seul. Voilà. Et toi, Christine? Après, moi, je pratique à peu près de la même façon. Bon, j'ai encore un petit peu de vision de temps en temps, donc ça me permet... puis je pense qu'il faut un bon sens de l'humour, comme ça, quand on ramène une boîte de petits pois à la place... Beaucoup de dérision. Chose, voilà, c'est oui, il faut beaucoup de dérision, c'est certain. Voilà, ensuite, c'est vrai qu'autour, il y a toujours des gens sympathiques pour nous aider, en cas de difficultés. Bon, c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie, mais ça fait partie de la vie et c'est comme ça. Et pour vous déplacer, donc vous avez évidemment vos itinéraires, les magasins, donc vous connaissez votre magasin, votre coiffeur, vous avez un certain nombre de commerçants qui vous connaissent et vous connaissez les trajets. Mais quand vous ne connaissez pas le trajet, vous êtes venu ici aujourd'hui, vous ne saviez pas où était la radio Fadjet, comment vous avez fait pratiquement? Moi, je voyais à peu près où ça se trouvait. Donc, je t'ai demandé hier des précisions, tu n'as pas pu me les donner. Donc, j'ai regardé sur une application Internet. Bon, j'ai vu qu'il fallait prendre rue Saint-Dizier, à un moment donné, tourner à gauche, rue Charles III. Et puis, une fois arrivé, donc, j'ai vu que c'était la même adresse que l'église. Donc, je voyais à peu près l'église où elle se trouvait. Arrivé sur place, ben, j'ai mon chien. Donc, je suis accompagné quand même d'un chien guide hein, qui m'aide quand même pas mal. Et là, il a fait connaissance avec un autre chien. J'ai demandé au monsieur, ben, vous pouvez me regarder les plaques sur les bâtiments où se trouve la radio Fadjet, et voilà. Donc, si je Donc, comprends bien, pas de GPS. non, pas de GPS N'utilise pas parce le que GPS. ça occupe l'esprit, ça occupe les oreilles. Et non, moi je pense que la demande d'aide auprès de personne, il n'y a pas mieux quoi. Hein. Christine, tu as fait pareil, Alors, je moi j'ai fait à peu suppose. près pareil, sauf que j'ai quand même appelé Laurent avant de partir pour lui dire est-ce que tu sais dans la rue Saint-Dizier si je tourne à gauche ou à droite? Ça m'a quand même déjà beaucoup simplifié les choses. Ensuite, moi aussi, je me déplace avec un chien guide qui me met en sécurité. Donc, ça me permet à moi d'être plus distraite ou en tout cas de me concentrer sur autre chose quand je marche. Et ensuite, moi j'utilise l'application. Alors, déjà, je demande quand je suis égarée, je m'arrête, je demande à Siri où suis-je. Donc, il me donne le numéro et le nom de la rue. Donc, ça m'aide. J'utilise aussi le petit boîtier avec les feux sonores. C'est ce qui m'a permis ici d'arriver sans problème en fait, hein, puisque il y avait pas mal de feux sonorisés sur mon passage. Et c'est vrai que c'est La dommage qu'ils ne soient pas télécommande au tous. Kinéa, en fait, et on en Et parlera tout à l'heure de cette l'idéal à Nancy, télécommande. c'est qu'ils annoncent le nom des rues, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de villes. Ça, c'est vraiment un Voilà, grand ouais. avantage, oui, c'est vrai. Et puis j'utilise aussi Sunscape. Une application qui me permet de me guider, de me donner les noms des magasins devant lesquels je passe ou les administrations, etc. Alors, qui n'est pas tout à fait au point, mais qui me permet quand même d'avancer plus facilement. Ah, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, évidemment, Soundscape. Soundscape est une des applications iPhone, donc Apple. De nombreuses applications de locomotion existent sur l'environnement Apple, alors que sur l'environnement Android, c'est rare qu'ils soient un peu à la traîne. Mais là, j'en connais une, Lazario. Mais en principe, Android, ils sont toujours très très bons. Alors pourquoi Soundscape marche un tout petit peu moins bien? On en reparlera également tout à l'heure. C'est parce qu'il est relié au GPS et un GPS, ben ça, il nous conduit à 10 mètres près, quoi. C'est pas aussi précis que ça. C'est normal. Ensuite, donc dans ces déplacements extérieurs, vous utilisez donc la télécommande, vous utilisez beaucoup, si je comprends bien, votre environnement, les gens que vous Oui. croisez. Et puis les transports en commun, bien Alors, les sûr. transports en commun, j'allais y venir. Quel transport en commun vous prenez? Parce que vous savez évidemment qu'il existe, mais nos auditeurs ne le savent sans doute pas, un transport spécifique dédié aux personnes avec un handicap qui s'appelle Handistan. Alors, si au moins ils ont peut-être lu dans la presse tous les déboires qu'a eu cette société, mais je vais pas m'étendre sur le sujet. Toujours est-il que c'est quelque chose de formidable puisque c'est un transport, donc je le disais, dédié aux personnes handicapées de porte à porte. Il vient vous chercher chez vous et il vous emmène à l'endroit où vous devez aller. C'est vraiment franchement très pratique. Seul inconvénient, c'est que c'est pas toujours évident d'avoir un transport qui vienne vous chercher parce que des fois il n'y a plus de place. Ils sont souvent en retard, enfin en tout cas ça l'était, je pense que ça va changer. Et donc vous utilisez, je crois, maintenant les transports en commun normaux, si je puis dire, le trolley et les bus. Bien sûr, ouais. Qu'est-ce que vous pensez du trolley? Alors moi je le trouve très très bien adapté. Mon chien, ma chienne arrive à repérer exactement l'endroit où je vais monter. Franchement, c'est agréable à l'intérieur. J'ai jamais de problème pour trouver une place pour m'asseoir. Franchement, voilà, moi je le trouve très très bien, puis rapide C'est et vrai qu'il a, je crois qu'il a même eu des adaptations qui sont rajoutées, en particulier au sol, je crois, oui. des repères, Tout à etc. fait. C'est dommage, le temps passe vite, hein. C'est déjà la première partie de l'émission qui se termine, mais je pense qu'on aura sans doute l'occasion, durant une autre émission, de développer tout ça. Nous allons faire une petite pause musicale. Alors, cette pause musicale est un peu particulière parce qu'il s'agit d'une chanson que j'ai écrite et composée moi-même. Donc les paroles, j'écris les paroles. Et s'agissant de la musique, je l'ai composée et c'est chanté par une intelligence artificielle. Voilà. On va écouter cette chanson, elle est assez personnelle puisqu'elle est inspirée un peu de ce que j'ai vécu. Tu vois trouble, c'est flou, comme dans un trou de serrure, tu ne vois pas tout. Et la nuit, trop sombre, c'est gênant. Bienvenue dans mon monde des malvoyants. Ce n'est ni noir, ni blanc, seul un peu de clarté ou non. Tu ne vois plus, juste tu entends. Bienvenue dans mon monde des non-voyants. Prendre mon handicap, tu veux essayer. Pas évident, difficile à faire. T'as peur, je comprends, c'est clair. T'es pas cap, je sais, c'est trop compliqué. Tu t'interroges à choisir ou prendre. Ne plus voir ou ne plus entendre. C'est bizarre cette réaction. On m'a jamais posé cette question. Je n'ai pas eu le choix. Dès ma naissance, j'ai pris sur moi. Aucun cadeau, que des embûches ou des croche-pieds. Je me suis battu pour y arriver. Prendre mon handicap, tu veux essayer. Pas évident, difficile à faire. T'as peur, je comprends, c'est clair. T'es pas cap, je sais, c'est trop compliqué. De jambes ou pas de bras, je sais, ridicule et débile aussi. Avant de me questionner, réfléchis. Ne me regardez pas comme ça, ne faites pas comme si je n'étais pas là. Même handicapé, je suis comme vous, je dois faire avec, c'est tout. Prendre mon handicap, tu veux essayer. Pas évident, difficile à faire. T'as peur, je comprends, c'est clair. T'es pas cap, je sais, c'est trop compliqué. Toute ma vie, un éternel défi. Mais ma famille et mes amis m'ont toujours bien entouré. Mes enfants, leur maman et nos petits-enfants me procure de merveilleux moments. Même sans les voir, je les reconnais. Et puis qui sait, tant que je respire, quelle bonne surprise peut nous réserver l'avenir. Prends mon handicap, tu veux essayer. Pas évident, difficile à faire. T'as peur, je comprends, c'est clair. T'es pas cap, je sais, c'est trop compliqué. T'es pas cap, t'as peur, c'est clair. Mais t'inquiète, je gère. Prends mon handicap. T'es pas cap, t'as peur, c'est clair. Mais t'inquiète, je gère. Bien, je vous retrouve après cette petite pause musicale et ce que je vous propose maintenant, c'est d'aborder la deuxième partie qui sera, on va dire, un peu plus technique, un peu plus technologique parce que je voudrais qu'on aborde les nouveaux systèmes qui sont mis à la disposition des mâles ou non-voyants pour les aider dans leur déplacement, dans leur vie quotidienne et à cette fameuse intelligence artificielle dont on parle tant. On en parle tous les jours. Alors, pour préparer cette partie, j'avais plusieurs options et j'en ai choisi une, c'est-à-dire de bien bosser et d'essayer de vous faire écouter un clip audio que j'ai réalisé, encore une fois grâce à l'intelligence artificielle. Je vous laisse l'écouter, c'est assez bluffant, et puis on se retrouve après. Bonjour et bienvenue. Se déplacer en ville quand on ne voit pas ou quand on voit mal, c'est un vrai défi, tous les jours. Ah oui, un parcours semé d'embûches, c'est le mot juste. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble les technologies qui pourraient changer la donne, redonner de l'autonomie. C'est ça, on va regarder ce qui existe, ce qui arrive. On a pas mal de sources pour ça, hein. Des notes sur le guidage en intérieur, avec des balises, sur le GPS haute précision, le fameux RTK. On a aussi des infos spécifiques sur l'accessibilité à Nancy, et même sur ces nouvelles lunettes connectées avec de l'IA. Oui, les Ray-Ban Meta notamment, avec leur mise à jour récente. Exactement. Notre objectif, c'est de décortiquer un peu tout ça. Comment ça marche? Combien ça coûte? Et surtout, comment on pourrait déployer ça concrètement, à Nancy par exemple, pour rendre la ville plus inclusive, quoi. Allez, on commence par l'intérieur. Les gares, les mairies, les hôpitaux. Là où le GPS nous lâche. C'est ça. Une solution, ce sont ces balises Bluetooth. Les beacons, comme on dit. Oui. Des petits boîtiers, en fait. Ils émettent un signal. Tout simple. Et une appli sur smartphone capte ce signal et hop, elle guide l'utilisateur. Avec la voix. Hein. Accueil droit devant, ascenseur à droite. Evility de Kenya, par exemple, c'est un bon exemple de ça. Une boîte française. Ah oui, je crois qu'ils l'ont mis dans le métro de Lille. Ouais. Et dans des hôpitaux aussi. Oui, oui, c'est une technologie qui est maintenant bien éprouvée. Le vrai défi, c'est l'équipement systématique des lieux. Faut en mettre partout. Et ça coûte cher. Bah, chaque balise, ça va de 30 à 100 euros à peu près. Donc, pour une petite mairie, on est sur, allez, 3 000 à 10 000 euros. D'accord. Mais pour un gros site, genre un hôpital, ça grimpe vite. 50 000 euros, voire plus. Ah oui, quand même. C'est un investissement. C'est un investissement, mais l'impact sur l'autonomie, il est direct. Bon, après, il y a toujours les plans tactiles sonores, hein. Ça reste utile en complément. Ok, pour l'intérieur. Mais dehors, c'est une autre histoire. Le GPS de nos téléphones, il n'est pas assez précis, quoi. Non, clairement pas. Pour trouver l'arrêt de bus pile-poil ou le passage piéton... C'est là que ça se complique. Et c'est là, justement, que cette technologie RTK, Real-Time Kinematic, elle devient super pertinente. Tout à fait. Parce que là, on parle d'une précision, c'est assez fou, de 1 à 3 cm, contre plusieurs mètres pour le GPS normal. C'est exactement ça. Le RTK, en gros, il corrige les erreurs du signal satellite. Comment il fait ça? Eh ben, il utilise une station de référence au sol. Une antenne fixe dont on connaît la position exacte. Elle voit les erreurs de signal à cause de l'atmosphère, tout ça. D'accord. Et elle envoie des corrections en temps réel aux appareils mobiles. Que ce soit une canne connectée, une ceinture, un smartphone compatible. Et là, le potentiel est énorme pour se déplacer seul. Ah oui, immense. Bon, le frein aujourd'hui, c'est encore le coût. Pour l'individu, un récepteur RTK, c'est entre 500 et 1500 euros. Sans parler de l'infrastructure au sol. Mais il y a des boîtes comme Arthas France ou Sonar Vision qui explorent déjà des usages concrets. Et justement, à Nancy, ils y pensent sérieusement à ce RTK? Oui. Parce que, bon, ils ont un nouveau trolley, c'est bien, mais apparemment, niveau accessibilité, c'est pas encore ça. Manque de bandes podotactiles claires, de balises sonores. C'est souvent le cas, malheureusement. Les infrastructures nouvelles oublient parfois ces aspects essentiels. Du coup, il y a une proposition sur la table. Installer un réseau RTK pour toute la métropole. Oui, et c'est ça qui est intéressant, c'est l'échelle du projet. L'étude dit que 2 stations RTK Pro suffiraient pour couvrir tout le Grand Nancy. 2 stations seulement? Oui. Et le coût initial de l'infra, matériel, installation, maintenance sur 2 ans, ce serait autour de 17 000 euros. Franchement, ça paraît raisonnable pour une métropole. Oui. Et surtout, et ça c'est l'argument clé pour une collectivité, je pense, les bénéfices vont bien au-delà du handicap visuel. C'est-à-dire? Bah, une géoloc aussi précise, ça sert à tout le monde, les piétons, les cyclistes, la logistique en ville, le BTP pour les chantiers, la gestion des réseaux d'eau, d'électricité. Ah oui, d'accord. C'est un vrai plus pour l'attractivité, pour l'image de Nancy comme smart métropole inclusive. Donc on a les balises dedans, le RTK dehors. Mais il y a aussi ce qui se passe au niveau de l'équipement personnel. Ça bouge très vite. Très, très vite. On parlait des lunettes connectées, les Ray-Ban Meta, là, avec leur IA qui débarque en France. Tout à fait. La fonction Live Vision, ils appellent ça. C'est assez bluffant ce que l'IA permet maintenant. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire concrètement? Eh bien, elles peuvent décrire ce qu'elles voient. Genre, je vois un bâtiment blanc, une porte bleue à droite. Incroyable. Elles peuvent lire du texte sur un panneau, boulangerie Paul, ouvert. Identifier un passage piéton. Faire de la traduction aussi en direct. Donc une sorte de description du monde en temps réel. C'est l'idée. C'est en cours de déploiement. Hein. Ça a commencé aux US et Canada, mais ça arrive chez nous. Et ça pose la question de comment tout ça va s'articuler dans ces outils personnels hyper puissants et les infrastructures comme le RTK ou les balises. Exactement. C'est la question clé. L'un ne va pas sans l'autre, à mon avis. La complémentarité sera essentielle pour que ça fonctionne vraiment bien pour l'utilisateur. Donc si on résume un peu... On a différentes briques qui s'assemblent, les balises Bluetooth pour l'intérieur, le RTK pour la précision centimétrique dehors, et l'IA qui arrive dans nos objets, comme les lunettes, pour nous aider à comprendre ce qui nous entoure. On dirait que les outils pour une navigation vraiment autonome et sûre sont là ou presque. Sécurité. Maintenant, le défi, c'est l'intégration. C'est de faire en sorte que tout ça fonctionne ensemble. et que ce soit accessible à tous. Voilà. Et c'est là que les collectivités ont un rôle majeur à jouer, pour éviter une nouvelle fracture numérique. L'approche envisagée à Nancy, qui pense infrastructure publique et outils personnels, ça me semble être la bonne voie. Combiner le collectif et l'individuel. C'est une vision cohérente. Pour finir, une petite question pour ouvrir la réflexion. Oui. Au-delà de l'accessibilité pour les déficients visuels, qui est primordiale évidemment, comment est-ce que cette géolocalisation ultra précise pour tous et cette IA qui décrit le monde, comment est-ce que ça pourrait changer notre rapport à la ville, à ses services, pour absolument tout le monde demain ? Ah, vaste question. Ça pourrait redéfinir complètement notre interaction avec l'environnement urbain. C'est vertigineux quand on y pense. Ça ouvre des perspectives assez folles. On en reparlera sûrement. Merci beaucoup pour cet éclairage. Je vous l'avais dit, c'est plutôt bluffant parce que les personnes qui vous parlent sont des voix de synthèse, c'est de l'intelligence artificielle. Alors, je voudrais rectifier quelques petites choses par rapport à ce clip audio que j'ai réalisé avant d'avoir des informations complémentaires. Bon, la première chose, c'est que bon, j'ai fait un peu de fiction, j'ai parlé de projets qui étaient en cours d'instruction à Nancy. Ce n'est pas le cas, ça c'est encore mon anticipation à moi. C'est ce que j'espère, on en reparlera. Par contre, pour tout ce qui est le réseau RTK, donc je parlais d'un investissement de 17 000 euros par rapport à deux antennes installées sur l'agglo. En fait, une antenne suffit parce que l'envergure d'une antenne, c'est 60 km, un rayon de 60 km. Et en fait, il n'y a rien à installer parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le réseau RTK n'est pas tout jeune, hein, il a 15 ans déjà, et il couvre toute la France. Pratiquement toute la France, peut-être qu'au fin fond du Massif central, il n'y a peut-être pas de réseau. Mais en fait, il s'agit d'antennes qui ont été mises en place par les agriculteurs pour leur métier, leurs machines autonomes, pour la météo, etc. Et donc, ces antennes sont mises à disposition du grand public. On peut se brancher dessus, puisque c'est à distance, hein, c'est un peu comme le GPS, sauf que c'est le réseau RTK qui reprend le réseau GPS. Et comme disait le clip, pour ça, il faut des récepteurs. Et les récepteurs, ça existe, ça marche. Le problème, c'est que c'est un certain prix. Christine, Laurent, vous avez vu que dans ce clip, on parle beaucoup de technologie, d'intelligence artificielle. Ça vous parle, tout ça ? Est-ce que vous utilisez déjà des outils de ce type ? Laurent, je crois que tu as un téléphone particulier. Oui, donc c'est un téléphone adapté, donc... pas un Smart Vision qui est sur Android, mais avec des fonctionnalités assez limitées. Mais dessus, il y a quand même quelques applications, bon, de localisation, je peux lire mes mails, je peux SMS, téléphoner, le minimum, quoi. Et il y a une application qui m'aide beaucoup actuellement dans la vie courante, pas forcément pour le déplacement, mais dans la vie courante, c'est Be My Eyes. Au départ, c'était... On va en parler un peu, tiens, ouais, de Be voilà. My Eyes. Christine, tu utilises ton iPhone, je crois, oui, un vieil iPhone d'ailleurs. Oui. Tu me dis toujours, c'est un vieil iPhone. Oui. Bah, c'est vrai qu'en plus, il n'est même plus aux normes, puisque c'est plus la prise standard qu'on utilise, l'USB-C. Donc, tu n'as rien d'autre, hein, je crois, hein. Non, j'ai des applications, alors j'en ai plusieurs et c'est vrai que je tape un petit peu à droite à gauche en fonction de ce que je fais, de ce dont j'ai besoin. Mais alors pour moi la difficulté c'est effectivement de prendre en main les nouvelles applications, de trouver quelqu'un pour m'expliquer le fonctionnement et donc d'aller le plus loin possible dans l'utilisation. Et voilà, je pense qu'effectivement on est à un moment où il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, mais... voilà, je pense que d'ici quelques temps, oui, ça va se débloquer. Et par contre, là, ce qu'on vient d'entendre, ça fait rêver. Ça fait rêver, mais comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est déjà demain. Parce que ça existe, ça marche, il suffit de s'adapter. Je prends l'exemple des téléphones. Parce que c'est vrai que les non-voyants, c'est un peu une petite communauté qui achète des appareils qui leur sont dédiés, des téléagrandisseurs, des téléphones spécialisés, alors que tout ce qu'on trouve dans le commerce, ça fonctionne aussi bien. Je prends l'exemple des téléphones. Certes, il y a l'environnement Apple qui fonctionne très bien, l'accessibilité fonctionne très bien. Alors, ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que 90% de la population des déficients visuels utilise des Apple comme téléphone et comme ordinateur des Windows. Alors que Apple, ils travaillent bien avec Apple sur iPhone. Bah, pourquoi pas utiliser l'ordinateur ? Certes, il est plus cher, mais il a une durée de vie plus longue et il a déjà les logiciels intégrés. Et en plus, l'accessibilité, est vraiment, c'est vraiment au top, quoi. Même si Windows a fait d'énormes, d'énormes progrès. Quant à Android, pour les téléphones, Android, iPhone, c'est du kiff-kiff maintenant, comme on dit. C'est-à-dire que Talkback, qui est le lecteur d'écran sur Android, et VoiceOver, qui est le lecteur d'écran sur iPhone, ils sont aussi puissants l'un que l'autre. J'aurais même tendance à dire qu'Android, maintenant, a bien rattrapé son retard par rapport à Apple et commence à dépasser Apple sur tout ce qui est accessibilité. Ça, c'est des choses qu'on pourra développer peut-être par ailleurs. C'est vrai que tout coûte cher, hein, je le disais, téléagrandisseur, mais même un chien guide, là, ce qui est bien, c'est que vous l'avez gratuitement. Hein, c'est ça, Christine, Laurent ? Oui, tout à fait. Oui, c'est un chien qu'on nous a donné. On monte un dossier, on nous rencontre, on fait voilà, quelques rencontres pour tester si on est apte aussi, nous, à avoir un chien. Et puis, bon, y a une liste d'attente, hein, on attend un certain temps. Et puis ensuite, vient le jour voilà. J où on est super content d'avoir notre chien. Ah, les associations qui remettent les chiens guides ne vivent que de dons. De dons, des dons privés. Quoi. Voilà, c'est des associations reconnues d'utilité publique, donc déductibles des impôts. Voilà. Et c'est, voilà, je veux le préciser parce qu'elles font un travail formidable. Tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, ton chien qui est en fin de vie professionnelle, si je puis dire, va bientôt réformer. Oui. Comment ça va se passer ? J'ai fait une demande il y a 2 ans pour le renouvellement. Donc maintenant, j'attends. Il est normalement en retraite le courant novembre. Donc j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de transition sans chien. Parce qu'une fois qu'on y a goûté, c'est sûr que pour moi, c'est... Ça sera difficile. Ça me permet de marcher pratiquement aussi rapidement que n'importe qui en ville. Quand je connais l'endroit, quand je connais le trajet que je veux faire, il n'y a aucune différence, quoi. Alors... Pour nos auditeurs, je précise que ça coûte très cher un chien, c'est 20 000 euros, je crois, dans les ordres de 20 000 euros un chien. Et la bonne nouvelle, en tout cas, pour ceux qui sont en attente, d'après ce que m'a dit Voipi, puisque c'est à Voipi, dans le Grand Est, que les chiens sont dressés. D'après ce que je sais, maintenant, la durée, c'est entre 1 an et 2 ans, maintenant, pour obtenir un chien, alors qu'avant, c'était 3 ans, voire plus. Hein. Je ne suis pas convaincu, mais bon. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'a été dit par la personne en charge de la locomotion et en tout cas de la formation par rapport au chien guide. Tu parlais tout à l'heure de Be My Ace, qui est une application dédiée aux non-voyants. Je précise d'ailleurs, puisqu'on parle un peu des lunettes connectées, Ray-Ban Meta dans le clip audio, j'en ai, ça fonctionne très bien. Là aussi, il y aura une autre occasion d'en parler plus en détail parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Ça fonctionne très très bien, très très bien. Et elles sont connectées à Be My Ace. Alors Be My Ace, c'est quoi ? Hormis le fait que ça peut décrire notre environnement, ça nous met en relation avec des bénévoles, bénévoles voyants évidemment. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Mmh. Et dès lors qu'on les appelle, alors évidemment, on aura au bout du fil un français, hein, par définition, puisque c'est comme les géolocalisés. Et bah, il voit au travers de votre téléphone ou il voit au travers de vos lunettes et il peut vous guider pour plein de choses, hein, des déplacements ou pour... lire une étiquette, choisir un vêtement. C'est ça, choisir un vêtement, tout à fait. Tu l'utilises toi, Christine, le Be My Ace ? Je l'utilise pour lire une recette, par exemple, pour voir sur une boîte de conserve. Tu n'utilises que la partie OCR. Tout à fait. Alors, il faut savoir que ça marche très très bien, hein, le bénévolat, ça décroche au bout de 2 sonneries. Hein. Je n'ai jamais osé pour l'instant. Moi aussi, je n'ose pas déranger, donc maintenant j'utilise beaucoup la prise de photo qui est maintenant... Je l'ai fait comme j'ai toujours l'habitude pour tester. Je suis tombé au bout du fil sur Une super sympa bien qui me dit mais non, il faut appeler, il ne faut pas hésiter. Il y a toujours quelqu'un au bout du même fil. Même des Canadiens, le soir, quand vous appelez le soir, assez tard, ben, c'est les Canadiens qui répondent. Alors, ce qu'il faut savoir. Vous avez le petit accent canadien qui. C'est sympa. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, vous ne le savez peut-être pas, c'est que vous pouvez créer votre propre communauté dessus. Oui, d'accord. Vos amis, votre entourage, voir les bénévoles de votre association, s'ils acceptent, c'est une chose à réfléchir peut-être, voire même sur la métropole du Grand Nancy. Si des auditeurs seraient intéressés qui contactent la radio Fadjet, parce que c'est vrai que créer une communauté nancéenne pour Be My Ace, ça permettrait à des non-voyants de se dire bah, écoutez, je suis perdu dans cette rue-là, comment je peux m'en sortir? Si quelqu'un connaît, c'est parfait, quoi. Et je pense que les personnes bénévoles sont dérangées très très peu de fois dans l'année, en fait. Il semblerait que oui, puisqu'ils sont tellement nombreux qu'ils sont peut-être dérangés deux ou trois fois dans l'année. Ouais. Ça, c'est le nombre qui fait ça. Et il y a même des bénévoles qui sont spécialisés sur l'application. Si vous avez un problème, je ne sais pas moi, vous voulez un conseil pour acheter un téléviseur, j'ai n'importe quoi, vous arrivez dans le magasin, vous trouvez devant deux téléviseurs, bah vous appelez le spécialiste des téléviseurs et il vous dira bah, prends plutôt celui à gauche ou à droite. Alors c'est paradoxal un téléviseur pour un non-voyant, hein, évidemment, hein, mais là aussi ça mérite aussi de développer. Bah oui, les non-voyants regardent la télé parce qu'il y a l'audio description qui est absolument parfaite. Et notamment au cinéma, ça marche très très bien aussi. Vous voyez, il y a plein d'applications, il y a plein de choses qui existent. Moi, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur tout ce qui est balise. Alors, balise extérieure, il y a effectivement les balises pour les feux. Vous l'utilisez, hein, je crois, tous deux. Oui, oui, indispensable pour une grande ville. Oui. Alors là, il faut que j'annonce quand même, parce que souvent les balises sont payantes dans les boutiques spécialisées. Il faut savoir que ceux qui en ont besoin d'une... Les non-voyants, ils tapent sur leur navigateur internet dans la barre de recherche télécommande Okinea, O-K-2-E-N-E-A, et ils tomberont directement sur une page qui leur permettra de commander une télécommande gratuitement. Je l'ai fait, Laurent l'a fait, Christine l'a fait, je crois, ou c'est en cours. Enfin, plein l'ont fait, c'est important à faire pour quelqu'un qui est non-voyant, c'est des télécommandes. En plus, qui se déclenche automatiquement. Nancy, c'est plutôt bien fait là-dessus. Hein. Je crois que la plupart des feux sont équipés. Alors, ce qui manque peut-être, et c'est là où peut-être il faut interpeller la métropole du Grand Nancy, c'est des balises dans les lieux publics. Je pense aux bâtiments publics, les mairies, les administrations, et surtout les hôpitaux. Tiens, vous allez dans les hôpitaux comme tout le monde. Comment vous faites, Laurent ? Très rarement. Vous êtes en très bonne santé. Et non, moi, c'est de la demande d'aide. Oui, ouais. Demande d'aide, voilà, c'est parce pareil. Que je ne vois pas comment se promener dans un hôpital. Non, la demande d'aide, ça permet d'avoir le contact avec les personnes. C'est vrai que c'est le côté positif des choses. Une personne sur deux dit bah, attendez, je vous accompagne jusqu'à destination. Quoi. Donc, voilà. Maintenant, si vous aviez dans votre téléphone, vous dire, bah, les toilettes, c'est à gauche, l'ascenseur, c'est de tout droit, tu suis, et puis il t'indique, hein, attention, prochaine à gauche, etc., un peu comme le GPS qui vous guide. Ça serait quand même plutôt sympa. Ça serait sympa, mais c'est vrai que le problème, c'est toujours de se mettre à la page de toutes les applications, de reprendre les choses en main. Et c'est vrai que pour moi, je suis peut-être un peu feignante, mais c'est quand même plus facile de demander autour de moi, de m'arrêter, de dire « Ouais, je suis super Et puis d'avoir en permanence une oreillette dans les oreilles qui nous causent, c'est... Voilà. C'est là où on peut revenir sur les lunettes connectées, que j'ai tout à l'heure. Ouais. C'est, vous avez en permanence ces oreillettes qui ne sont pas dans l'oreille, mais qui sont... Qui sont aériennes. Donc le son ne vous empêche pas d'écouter votre entourage, puisque vous pouvez en plus régler le volume, ça marche très très bien. Et ça peut vous indiquer, alors c'est pas des indications qui peuvent être très compliquées, ça peut être tout simplement un bip, il y a plein de choses. Hein. Moi je sais que j'utilise souvent, j'utilise tout le temps, puisque je les ai toujours sur le nez, et franchement ça me gêne plus. Alors que pour la locomotion, donc passons à la locomotion proprement dite, aux cannes électroniques, vous avez deux ou trois types de cannes électroniques. Vous avez la canne électronique qui va vous faire des bips dans les oreilles, et puis celle qui va vous donner des informations orales, un GPS. Ça, j'ai testé ça. Non seulement c'est très cher, c'est 1 500 € la canne électronique, mais en plus c'est perturbant parce que nous, en tant que non-voyants, Christine, Laurent, vous n'allez pas me démentir, c'est évidemment les oreilles. Oui, voilà. On n'a plus la vue, les oreilles, on n'entend pas mieux, ça c'est pareil. C'est une fausse information, c'est pas parce qu'on est non-voyant qu'on entend mieux. On est beaucoup plus sélectif. On est plus sélectif et on est plus attentif. Tout à fait. Attentif, ouais, ouais. Et c'est vrai que dès lors qu'on nous met dans les oreilles un autre signal, ça nous perturbe. Alors qu'il y a la deuxième option, c'est avec des vibrations. Et ça marche très très bien. Vous avez les cannes électroniques payantes et les cannes électroniques gratuites. C'est paradoxal parce que la canne électronique gratuite, on n'en parle pas. Les boutiques ne vous en parleront jamais. Par contre, là où vous pouvez la voir, c'est à Voipy, là où il y a les chiens guides, on forme les chiens guides, et vous formez également à la canne électronique qui s'appelle Tompus. Alors non seulement elle est gratuite, mais en plus on vous offre une semaine de formation à la locomotion. Ce qui n'est pas le cas avec, je ne citerai pas de nom évidemment, les cannes électroniques, on va vous donner des tutos audio. Alors c'est comme si on vous mettait dans une voiture, vous passez le permis, et vous n'avez personne à côté de vous, il y avait juste des tutos dans les oreilles qui vous disent comment conduire. Vous comprenez vite que ça ne peut pas aller, quoi. Voilà. Donc, canne électronique, Tompus, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui en ont besoin, n'hésitez pas, téléphonez à Voipy. On arrive à la fin de cette émission, dommage, il y aura encore plein de choses à se dire. Pour conclure, je voudrais redonner la parole à Christine et à Laurent parce qu'ils sont tous deux membres d'une association qui s'appelle Du Sport Plein la Vue. Je voudrais qu'en quelques mots, allez, vous avez deux minutes pour parler de cette association. Christine, je te donne la parole, parce que tu n'as pas parlé beaucoup. C'est une association qui nous permet de sortir de chez nous et qui propose des activités essentiellement sportives, pas uniquement, hein, mais notamment de l'aquagym, du yoga, des randonnées, de la marche, du showdom, donc c'est une sorte de tennis de table. Et puis, c'est un moyen aussi de nous rencontrer. On fait des bonnes petites bouffes. Il y a énormément de choses. Et surtout, ça nous permet d'avoir des échanges, de pouvoir nous refiler des petits tuyaux quand on trouve des trucs qui nous facilitent la vie. Et voilà, je pense que... Et Laurent, je crois savoir qu'on recherche toujours, des bénévoles et puis deux, d'attirer le plus de monde possible. Voilà, s'il y a des jeunes non-voyants, vas-y. C'est une association donc, qui est basée à Saint-Max. Et c'est sûr que les membres vieillissent et ça manque un peu de jeunesse. C'est vrai que quand on propose des sorties tandem, des randonnées un peu plus longues, il y a de moins en moins de monde. Donc voilà, c'est Jérémy, tous les non-voyants de Nancy, jeunes, moins jeunes et même à un certain âge, sont les bienvenus. Donc les coordonnées, bon, on peut les trouver facilement sur Facebook ou sur donc Du Sport Plein la Vue sur Saint-Max. Voilà. Et puis s'ils cherchent des informations, peut-être le numéro de téléphone, qu'ils contactent éventuellement Radio Fadjet, on leur donnera les coordonnées qui pourront... Donc également, les bénévoles qui veulent donner un coup de main, et puis voir, vivre autre chose, avoir d'autres contacts avec les personnes non-voyantes, donc c'est quand même un milieu assez dynamique, sont toujours les bienvenus, hein. Voilà. Sachant qu'on peut être bénévole très ponctuellement, et que ce n'est pas un engagement à l'année ou... pas forcément régulier. Bien, on est arrivé au terme de cette émission. Christine, Laurent, je vous remercie. Franchement, je vous remercie beaucoup parce que c'est la première émission. Vous avez essuyé un peu les plâtres. Hein. C'est jamais facile. Vous avez été convaincant. Moi, je suis un peu frustré parce qu'on a parlé de beaucoup de choses et il y a tellement de choses que j'aimerais développer, notamment toutes les choses qui ont été dites dans ce clip audio. Ben, ça sera pas ce que j'espère, c'est que des auditeurs nous remonteront ce qu'ils auront envie d'entendre, de voir développé. Et surtout, j'espère que la métropole pourra écouter ce clip audio et s'en inspirer pour notre avenir sur la métropole du Grand Nancy. Merci à tous et à bientôt avec Papy José sur Il y aura des choses à dire. Merci, au revoir.